Je suis celui que tout le monde connaît, et personne ne remarque l'absence quand il disparaît. Je suis celui noyé dans la foule et qui disparaît avec la houle. Je suis celui qui prend le large quand il dépérit et que très vite tout le monde oublie. Je suis celui que tout le monde a déjà vu, mais que personne n'a jamais vraiment connu.